Beau gueule, ça enregistre. Oh, l'espadrille. Pourquoi j'ai pas été invité cette fois? Pour ta phrase 6, il est toujours là d'habitude. Oh, vous m'avez gardé pour le rappel. Oh, c'est gentil. Moi, je me souviens, l'espace était mieux avant. Quand ils chantaient la banane, ils avaient les cheveux au vent. Maintenant, le chanteur, mais il en a plus. Oh, c'est triste pour lui, le pauvre. Oh. Il a bu trop de sambuca, il est devenu chauve. C'est comme un torero qui irait chanter Viva! Bah, tous les gens autour, ils demanderaient pourquoi. Oh. Ce jeune homme, je le connais, car je suis son papy. Oh, son nom, je le connais, il s'appelle Titi. Moi, je me demande ce qui est devenu super chinois. Sans doute, il s'amuse avec les tortues ninja. À moins qu'il soit allé peut-être à part le Disney. On voit la fanfare chanter. Small, small, world, yeah, yeah. Oh, je bug. Maintenant, les jeunes, ils sont tous drogués. À peine le nez dehors, déjà sous LSD. C'est une sorte d'exode, ils partent tous en vrille. Je suis Francis, je suis là pour le rappel. J'aime le pastis et le miel et les abeilles. Je m'étouffe. Oh, l'espadrille, je vais me construire une cabane tout en carton. Oh, je vous inviterai avec le petit paysan. Oh, elle est rigolote cette rime. Oh, je suis au ciel. T'es trop fort, Francis, comme dirait mon copain Michel. Oh, c'est bientôt les fêtes. Moi, je chante avec ma webcam. Oh, la chanson de Noël pour mon copain Van Damme. Il est marrant, lui, il fait tellement de frasques. Oh, il aurait même pu être son balustrasque. Oh, voilà, je crois qu'arrive vers la fin de mon intervention. Je dirais même que c'est la conclusion. Je vais pas te dire barre-toi ou tu pues du cul. Ou même un pour t'effrayer. Oh, t'as vu? Non, moi je suis pas quelqu'un de tout pourri. Laisse-moi te dire quand même qui je suis. Je suis l'ami de l'espace, je suis Francis Cabrel. Je suis l'ami de l'espace, je suis là pour le rappel. Les motos et les moustaches.